J'en ai perdu des légions, crois-moi. Perdu mes positions, mes poses de combat. J'ai mangé la poussière plus de 100 fois. Mais dans une guerre on perd parfois. Encerclé dans mes derniers retranchements, mes blessures saignées en s'accentuant. À court de munitions et de soldats, j'ai subi des défaites en restant là. Mes yeux se sont blessés par des éclats et je t'ai vu vaciller dans sa voix.